Yo. Goose. Wagwan na toxic. Pakatan goose. Hey. Bani problem. Chaque fois me les photos coûte fait. La mer à terre, beau down allé. Moi qui a poussé coco, moi qui a bouette. Et ça qu'a un tweet douette. Pas ni souci. Il y nomme li, mais il est bon moi li. Il dit qu'on ça, moi ça fait jouer. Et que les jouent, il a allé dormir. Hey girl, tap, tap. Listen, clap, clap, tap, tap. I know you like that, tap, tap. Listen, clap, clap, tap, tap. I know you like that, tap, tap. Clap, clap, tap, tap. I know you like that, tap, tap. Clap, clap, tap, tap. I know you like that. Chaque fois ou me les photos coup de fait. La main à terre, beau down à l'air. Moi qui a poussé coco, moi qui a bouette. Et ça qu'a un tweet douette. Pas ni souci. Il y nomme li, mais il est bon moi li. Il dit qu'on ça, moi ça fait jouer. Et que les jouent, il a allé dormir. Every girl want to be my friend. Them say me can solve the problem. When them home and alone and them on outer road. Me them a call to make them feel good. Say she want your man who dog the bone. Say she want to make me feel good. Chaque fois qu'a dansé au café moi plaisir. C'est pour ça moi obligé de bon. Chaque fois moi ou me les photos coup de fait. La mer à terre, haute beau down à l'air. Moi qui a poussé coco, moi qui a bouette. Et ça qu'a un tweet. Pas ni souci. Il y nomme li, mais il est bon moi li. Il dit qu'on ça, moi ça fait jouer. Et que les jouent, il a allé dormir.